Ok, ok, en mode révolution sur terre, nos rimes en bloc de terre, nos beats sont grises, en gros je suis noir de peur. En mode fumeur de weed, je suis bi, j'assume, mon cul te fume à l'extase. Les gens parlent de moi, trop son cru mes troncs, qui rit pendu comme Mélanie. En mode tyrannie, direct à Somalie, bâtard, je rêve d'amour, de célibat, en bref de sexe. Tout autour, porté sur des nuits étoilées, je parle le max, en mode rêve de toi. Chaque jour, je porte nos marques, notre figure, notre culture. Emporte-moi vers le ciel, je te raconterai mes rêves, rêves de Pluton, d'amour et d'espoir. Voilà comment finit mon histoire. J'suis pas du rap mélancolique, stop j'suis pas alcoolique, mais je survis à la vie double que je traverse. Mais je survis à la vie double que je traverse. Baisse dans tes draps, embrasse dans ton cœur, brise ta douleur, pleure dans mon cœur. J'suis pas du rap mélancolique, stop j'suis pas alcoolique, mais je survis à la vie double que je traverse. Je survis à la vie double que je traverse. Baisse dans tes draps, embrasse dans ton cœur, brise ta douleur, pleure dans mon cœur, pleure dans mon cœur. Je rêve du pire d'un suicide, au pire tu fais un beat, mais t'assumes ta bite. Mon cœur fait tic, v'là un PD pour 300 fric, un cercle en 2010. Une bite pour faire un mix, je te dis mon ressenti, je t'aime pour la vie. V'là un tic pour le paradis, je chiquais pour se branler, un an pour avaler. Je viens remballer, t'inquiète Picsou, c'est pas un conte ou bien un roman pour Gordon. Je suis Picsou, toi t'es boubou, v'là un boom dans la bouche. Mon amour c'est juste un bisou, pas une douche, on prend sous la boue. Ça laboure tant que ça louche, t'inquiète j'suis sourd, t'inquiète j'suis sourd. J'suis pas du rap mélancolique, stop, j'suis pas alcoolique, mais je survis à la vie d'ouf que je traverse. Je survis à la vie d'ouf que je traverse. Baisse dans tes draps, embrasse dans ton cœur, brise ta douleur, pleure dans mon cœur. Baisse dans tes draps, embrasse dans ton cœur, brise ta douleur, pleure dans mon cœur. J'suis pas du rap mélancolique, stop j'suis pas alcoolique, mais je survis à la vie d'ouvre que je traverse. Je survis à la vie d'ouvre que je traverse. Baisse dans tes draps, embrasse dans ton cœur, brise ta douleur, pleure dans mon cœur. Baisse dans tes draps, embrasse dans ton cœur, brise ta douleur, pleure dans mon cœur. Baisse dans tes draps, embrasse dans ton cœur. Baisse dans tes draps, embrasse dans ton cœur, brise ta douleur, pleure dans mon cœur. Baisse dans tes draps, embrasse dans ton cœur, brise ta douleur, pleure dans mon cœur.